À 7h, bientôt 33 minutes, on y va avec la chronique hebdomadaire de notre ami Raymond Poirier pour la chronique numérique. Bon matin, Raymond. Bon matin. Et puis, on n'est pas seul. Je te laisse peut-être le soin de nous présenter le sujet de ta chronique ce matin et surtout l'invité qui nous accompagne. Oui, mais en fait, cette semaine, jeudi 17 novembre à 19h, il y a une belle conférence à la bibliothèque Gabriel Leroy sur la scénarisation d'univers virtuels. En fait, comment scénariser des univers virtuels. Et le conférencier de ce jeudi, qui est également doctorant en design et cyberculture, est avec nous en studio. Vincent Mauger, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Et Vincent, en fait, dans le titre de la conférence, justement, on parle de scénarisation d'univers virtuel. J'imagine qu'on pourrait utiliser d'autres termes, bon, construction de monde ou world building s'impose peut-être d'instinct. C'est une approche narrative, une approche de construction qui remonte quoi, aux années 60, là, pratiquement? Ben, en fait, si on parle d'univers virtuel comme ça, ça peut sembler un peu évanescent, étant donné que c'est très concret, ces choses-là. En fait, les mondes imaginaires qu'on construit pour des romans, par exemple, effectivement, il y a plusieurs techniques qui ont été développées dans les années 70. Quand on pense à la science-fiction, fantasy, ça a été très à la mode. Il y a eu différents âges d'or de ce côté. Mais par la suite, on a développé d'autres techniques plus élaborées qui tiennent compte des médias numériques contemporains, par exemple. Donc, avec les jeux vidéo, ce genre de choses, les plateformes mobiles, on est vraiment dans la transmédialité. Et c'est là qu'on va vers le world-making. En fait, le chercheur Henry Jenkins, c'est un chercheur américain, professeur au MIT, qui est très proche de la culture des fans, a développé des théories à ce sujet-là. Donc, les consommateurs vont maintenant, cueillir un peu leur information est consommée un peu partout. Alors, comment faire un monde qui comprend tous ces éléments? Ben, c'est un autre défi. L'approche peut être différente. Ça varie des objectifs et du projet qu'on veut faire. Donc, c'est un peu ce qui va distinguer, par exemple, développer un monde pour Donjons et Dragons, puis développer un monde pour Assassin's Creed, dans la mesure où, dans le deuxième cas, ben, on pense, oui, aux jeux vidéo, mais il y a des applications autres, des bandes dessinées, il y a des personnages, il y a un univers qui peut dépasser le jeu au départ, peut-être. Oui, ben, il y a l'aspect interactif quand on pense à un jeu vidéo, étant donné que là, ça va être l'action, c'est la liberté qu'on veut donner aux joueurs. Alors là, la focalisation va être différente. Parce que si on fait beaucoup, beaucoup de contenu, comme dans le cas des jeux de rôle, c'est un bon exemple, parce que de ce côté-là, il y a peut-être quoi, environ 10% du contenu fictionnel qu'on dit en moyenne, selon certaines études, dans un jeu qui va être utilisé, en fait, qui ne va pas être utilisé, mais qui va être parcouru ou, dont le joueur va être témoin. C'est le cas aussi des jeux de rôle où on produit beaucoup, beaucoup de matière, mais en réalité, tous les livres qui sont produits, parce que c'est des maisons d'édition, c'est comme ça qu'ils se financent, la majorité des joueurs ou consommateurs de ces produits, ben, ça va être peut-être un sixième, c'est-à-dire les maîtres de jeu. C'est ceux qui utilisent l'univers, c'est ceux qui sont fascinés par ces matières-là, qui sont en fait de l'information, parce que c'est une partie de design d'information, on se cachera pas. Une information fictionnelle, oui, c'est vraiment, disons, un aspect comme très précis. Mm-hmm. Il y a d'autres compétences qu'on met en œuvre quand on va du côté du design de monde numérique ou interactif. Ça va être du design d'interaction. C'est l'action qui va être importante de ce côté-là. Donc, les choses qu'on va faire dans le monde, ben, il va falloir qu'on en tienne compte dans tout le processus. Donc, ça lie le design et la scénarisation ou l'écriture comme telle. Il faut vraiment unir les deux dès le départ dans le projet, sinon ça peut être problématique. On sait que les jeux se sont complexifiés beaucoup ces dernières années. Ce serait quoi pour vous la forme ultime là, de world building ou de jeux scénarisés? Est-ce que ce serait peut-être ces jeux plus avec des mondes ouverts? Donc, moi, si je prends les références que j'ai, ce serait Grand Theft Auto ou peut-être même Minecraft ou il y a Watch Dogs aussi qui est québécois. Ces mondes ouverts, est-ce que ce serait pas un peu la forme ultime de world building? Parce qu'on a créé des villes, des environnements très, très dynamiques où il se passe un million de choses, là. Tout à fait. Alors, en fait, plus le monde devient gros, plus les gens peuvent l'habiter, effectivement, donner ces opportunités, des espaces de création dans ceux-ci même, est vraiment une avenue fort intéressante. Il y a de plus en plus de ressources qui sont mises, il y a de plus en plus d'intervenants qui participent à ces projets-là. Donc, le fait qu'on travaille entre collègues doit être aussi tenu en compte dans le processus, c'est un bon élément à souligner. Les chercheurs, la recherche est vraiment importante. Au début du processus, il faut vraiment mettre beaucoup de temps de ce côté. C'est souvent un peu escamoté. Je rappelle toujours à mes étudiants au début du projet. Alors, selon ce qu'on veut faire comme jeu, par exemple, ou le contexte, les thématiques, pour vraiment faire de recherches littéraires, sociologiques, historiques, c'est très, très, très important. Okay. Et Ubisoft le fait très bien de ce côté-là. Il engage des historiens internes, des architectes aussi. Non, de ce côté, il y a certaines compagnies qui prennent ça très au sérieux. Et c'est bien, ça donne un bagage culturel plus profond à des médias de plus en plus populaires. Oui, puis j'imagine, en fait, on le fait pour des mondes qui sont basés dans une certaine réalité, mais autant pour les mondes qui sont basés dans une fiction complète. Reste que si la physique marche pas, s'il y a pas une logique interne dans le développement des technologies ou autres à l'intérieur du monde qu'on propose, ben, les joueurs vont décrocher, ça favorise pas l'immersion. Exactement, ça, c'est pas cohérent, en fait. Et c'est une des grosses forces de la fiction et du récit en général, c'est que ça donne une cohérence au monde, à l'expérience interactive aussi. L'histoire est pas nécessaire à un bon jeu vidéo, mais si on donne un bagage, un enrobage, des fois les gens le pluguent ou plaquent une histoire sur un produit interactif, c'est une mauvaise façon de faire, mais si c'est bien conçu, il y aura plus de sens qui va être communiqué, et les gens vont plus entrer dans l'expérience, et ils vont vivre peut-être des émotions aussi plus grandes, et certains publics recherchent ce genre de choses, et l'ont pas encore trouvé dans bien des jeux. Du côté indépendant, il y a des belles expérimentations qui se font de ce côté. Et justement, comment on s'y prend en fait? Est-ce que c'est l'idée de partir avec une mythologie? Avec une sociologie, est-ce qu'on part plutôt avec une géographie, qu'on place les montagnes, les villes? Est-ce qu'on dit, ben, qui va habiter ce monde-là? Ou est-ce qu'on part justement, parce que tu parlais Vincent Mauger, du joueur tantôt, est-ce qu'on part de sa perspective et on dit, ben, quel genre d'expérience on veut lui faire vivre? Et après ça, on essaime. Donc, comment, est-ce qu'il y a un point de départ, si on peut dire? Parce que c'est vaste, on parle de Grand Theft Auto, on pourrait parler d'Elder Scrolls, Watch Dogs, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Par où on commence? Ah, c'est une très bonne question. Effectivement, il y a plusieurs approches pour ça. Ça dépend de l'objectif et du monde comme tel. La première chose à faire, c'est de fixer ses frontières pour pas qu'on se perde dans le travail. Ça peut être infini, créer un monde. Tous ceux qui ont justement participé à des jeux de rôle savent. Mais il faut fixer une approche appropriée à son travail. Donc, souvent, on va partir d'une personne plus généraliste, donc macroscopique, du général au particulier, ou le contraire, microscopique, du plus petit et plus gros. Et on peut se fixer sur différents éléments, que ce soit le personnage, comme dans Grand Theft, ça peut être un peu ça. Surtout que eux, c'est de plus en plus scénarisé, mais quand on pense au première version de la franchise. Tout était construit autour du joueur. L'expérience immédiate interactive, c'est la situation. D'autres peuvent être basés sur l'histoire. On prend un événement ou sur une situation précise, un conflit, et on tisse, on brode autour. Ça peut être une approche qui est plus, disons, littéraire, entre guillemets. On prend une œuvre, on l'adapte. On pourrait dire cinématographique de ce côté-là. Mais dans le fond, on s'inspire d'un monde qui existe déjà et on le grossit, on le meuble. À partir de là, ben, on trace tout le reste. C'est certain qu'il y a certaines fondations qu'il faut établir. Quand on a parlé tantôt de la géographie, ce genre de choses-là, on peut partir, ben, de façon plus générale au particulier, on parlerait de métaphysique. Donc, est-ce qu'il y a de la magie dans votre univers? C'est quoi les dieux et tout et tout? Quand c'est réaliste, ben, c'est facile de calculer sur notre monde. Après ça, on peut aller vers les continents, la géographie. Si on prend les humains par la suite, ben, c'est les frontières, la sociologie. On va vers les cités, les provinces, tout ce qui est locaux. Si c'est un jeu plus fantaisiste, voir les monstres, ce genre de choses-là. L'histoire, la mythologie embarque. Et là, on tombe dans les petits détails personnels. Ça dépend vraiment de l'expérience qu'on veut faire. Si c'est très intime, ben, on va forger des bons personnages, comme un bon roman, et on va leur donner des caractéristiques, c'est sûr, pour que le média soit plus actif, mais on va tisser autour, on va broder. Ça devrait être vraiment des objectifs et du projet. Mais il y a une tendance qu'on observe dans les dernières années, c'est de donner vraiment beaucoup de liberté aux joueurs, puis qui a un pouvoir vraiment sur le cours de l'histoire. Il peut se passer une chose ou il peut se passer une autre. On laisse beaucoup de choix aux joueurs. Oui, tout à fait. De ce côté, ça va être de la scénarisation interactive, en fait, qui va offrir ces parcours-là, ces différentes solutions. Il y a différentes approches aussi de ce côté. C'est peut-être un peu moins le sujet de la conférence comme telle. J'en ai fait une à ce sujet justement l'année dernière à la même place. On pourrait l'aborder, ça dépend, étant donné qu'on va avoir quand même un bon 90 minutes, je pense, prendre au moins 30 minutes pour répondre aux questions du public, pousser certaines avenues. Et si la scénarisation comme telle vous intéresse, on pourrait pousser, oui, parce qu'il y a beaucoup de points parallèles pour créer le monde. Mm-hmm. On va créer des personnages, faire un bon personnage. Ben, dans un roman ou dans un jeu, ben, il y a les mêmes bases, soit qu'il faut qu'on... C'est juste que l'attention n'est pas à la même place nécessairement. Il faut qu'il se communique bien, ce personnage-là, surtout s'il est sur plusieurs médias. Quand on construit un monde, on veut que ça soit... dans l'absolu, dans plusieurs choses, comme si on veut que notre franchise grossisse. Et c'est sûr, certains parallèles peuvent être faits, effectivement. Mm-hmm. Et parallèlement, quand on parle de construire un monde, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on crée justement un monde qui va faire vivre plusieurs histoires. Exact. Alors que peut-être, auparavant, la philosophie était plus de bâtir un personnage qui, lui, va pouvoir supporter plusieurs histoires. Oui, pour les franchises, c'est vrai qu'on s'attendait, on mettait vraiment comme une espèce de mascotte qui était très vendeuse. Du côté des jeux vidéo, c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, on veut que, disons, notre l'image qu'on va faire, la franchise qu'on va développer, puisse vivre plus longtemps encore, et si le personnage ne passe pas le test, ben, on pourra en faire d'autres. Donc c'est pour ça construire un monde, et effectivement, qui est une porte, un portail vers différentes histoires, est une avenue qui est de plus en plus prise. Oui, en fait, j'imagine d'un côté... Un n'empêche en fait, pas l'autre aussi. Hein. Non, c'est ça. En fait, d'un côté, on va construire un monde. Dans d'autres cas, c'est presque, je pense, je mentionnais Assassin's Creed, là, dans ce cas-là, c'est un jeu qui est connu pour engager justement des historiens, des architectes, etc., mais c'est plutôt une mécanique qui va servir de base pour, après ça, être reproduit dans différents contextes. Oui, du dans côté de cette franchise-là, c'est assez intéressant qu'ils prennent une situation historique différente à chaque fois. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer celui qui était responsable de franchise à une certaine époque, Stéphane, mon famille m'échappe, désolé, il dit que le problème d'Assassin's Creed, c'est le mot Assassin's Creed, parce que s'ils veulent sortir de tout ça, ils peuvent sont coincés avec les perspectives de l'assassin, l'espèce de manichéisme entre les deux factions, mais sur le plan d'explorer des histoires, des situations politiques et sociales, ils ont toute la liberté du monde, c'est une superbe franchise pour ça, mais on est coincé avec un certain manichéisme, on peut dire. Alors, c'est sortir de ces avenues est souvent ce que j'encourage du côté de mes étudiants, que les conflits soient plus variés, plus internes, on peut déchirer un grand Hamlet en jeu vidéo, c'est un méchant défi à faire, mais il y en a... Hein. Et jeudi, ben, on explore tout ça, on donne des approches, d'une boîte à outils, dans le fond, pour la création de monde virtuel. Oui, quand même, il va y avoir certaines fondations, comment qu'on y arrive, les étapes, juste pour guider quelqu'un qui est intéressé à le faire de son côté, que ce soit un auteur, un scénariste, quelqu'un qui est passionné des jeux vidéo, qui travaille dans ce milieu-là. C'est un outil pour les créateurs en général. Ou pour tout amateur de jeux vidéo, qui veut avoir une perspective plus de scientifique, finalement, sur l'évolution. Un peu plus analytique. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ça s'annonce fort intéressant. Merci. Ça. Alors, je rappelle, en fait, la conférence s'appelle « Comment scénariser des univers virtuels ». C'est jeudi 17 novembre, 19h, à la bibliothèque Gabriel Leroy. L'entrée est libre, on a simplement besoin de se présenter sur place. Et si les gens n'ont pas eu le temps de noter toute l'information, ben, elle peut se trouver sur itis.ulaval.ca. Messieurs, merci beaucoup. Vincent Auger, doctorant en design et cyberculture, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Raymond Poirier, on te retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique. Sans faute.